Suleiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Quatre personnes accusées de détournement et de vente d'engrais chimiques en commune Gihanga de la province de Bouvanza sont dans les mains de la justice depuis la semaine dernière. Nous appellerons notre correspondant pour plus de détails. La construction d'un bloc d'hébergement de malades au centre de santé de Migongo en commune Kiwago de la province Makamba est à l'arrêt depuis 2 ans déjà. Pourtant, la société Diane Company n'avait qu'un délai de 4 mois pour terminer ce chantier, financé par le Fonds national d'investissement communophonique. Dans ce journal, on revient sur différentes compétences de la commune au regard de la loi du 7 juin 2024 portant réorganisation de l'administration communale. Et dans la chronique santé, un médecin nous dira quand le virus du VIH-Sida peut être indétectable dans le sang. Voilà pour le sommaire. La gestion des intérêts locaux de la population ainsi que la mise en place des services publics répondant aux besoins de la population sont parmi les compétences qui reviennent à la commune. C'est le contenu de la loi du 7 juin 2024 portant réorganisation de l'administration communale. Cette loi prévoit également que la commune élabore et met en œuvre son propre plan communal de développement communautaire qui définit clairement les actions stratégiques de lutte contre la pauvreté et de création d'emplois. Stella Naishimiye a lu cette loi. L'article 8 de cette loi prévoit que dans le cadre de la décentralisation, la commune est chargée de la planification, de l'exécution et du suivi dans certains domaines. Il s'agit de l'administration territoriale et le développement communautaire, la planification et les finances communales, l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat, l'éducation, le sport et les questions sociales, le domaine de la santé publique, celui de l'eau, l'énergie et la carrière, l'environnement, l'agriculture, l'élevage et la gestion foncière. Il y a aussi le domaine des pistes, les voies de communication et de télécommunication, celui des infrastructures administratives, socio-culturelles, économiques et touristiques, le domaine des droits de la personne humaine, protection sociale et inclusion genre, et celui de l'entrepreneuriat, le commerce et l'industrie, comme le précise cette loi communale. Au terme de l'article 7, la commune élabore et met en œuvre son propre plan communal de développement communautaire qui définit clairement les actions stratégiques de lutte contre la pauvreté et création d'emplois. C'est à la commune que ça revient la responsabilité d'en assurer le suivi et l'évaluation. Le plan communal de développement communautaire est élaboré en tenant compte des contenus des plans collinaires de développement. L'article 6 dans la même loi stipule que la commune est chargée de la gestion des intérêts locaux de la population, la mise en place des services publics répondant aux besoins de la population qui, par leur nature, leur importance ou par détermination de la loi, ne relève pas de la responsabilité de l'État. Quatre personnes accusées de détournement et de vente d'engrais chimiques en commune Gihanga de la province de Bouvanza sont dans les mains de la justice depuis la semaine passée. 3 autres sont en cavale selon des sources policières et administratives. Les cultivateurs craignent des récoltes médiocres car ils sont incapables d'acheter un sac d'engrais de 250 000 ou 300 000 francs burundais alors que l'État a fixé son prix à 66 000, la même quantité. Spes Caritas Kamanyana. Deux parmi ces personnes arrêtées la semaine passée sont des distributeurs d'engrais chimiques subventionnés, l'un de la zone Gihanga, l'autre de la zone Buringa en commune Gihanga. Ils sont accusés de détournement d'engrais chimiques selon des sources policières et administratives. Les 2 autres sont accusés de collaborer avec les premières dans la vente de cet engrais chimique. Les habitants de Gihanga contactés font savoir que 3 autres suspects ont fui quand ils ont appris qu'ils sont recherchés. Les cultivateurs se lamentent. Ils disent qu'ils risquent de ne rien récolter car ils n'ont pas pu fertiliser leurs champs par manque d'engrais chimiques. Alors qu'ils avaient même payé le prix fixé par l'État. Ils font également savoir qu'ils s'étonnent de voir les stocks de la commune presque vides, alors qu'en cachette, un sac de 50 kg d'engrais de type urée coûte entre 250 000 à 300 000 francs burundais, alors que le prix de cet engrais chimique subventionné est de 33 000 francs, un sac de 25 kg, 66 000 francs, un sac de 50 kg selon les mêmes cultivateurs. Spes Caritas Kavanyana. Bubanza, Radio Isanganiro. La construction d'un bloc d'hébergement de malades au centre de santé de Migongo est à l'arrêt depuis 2 ans déjà, alors que la société Dayan Company avait un délai de 4 mois pour terminer ce chantier financé par le Fonds national d'investissement communophonique. L'administration communale de Kibago en province Makamba dit avoir saisi formellement cette société depuis l'année dernière, mais que sa promesse d'achèvement des travaux reste lettre morte. Élisée Cuisera. Le panneau afficha les travaux d'exécution de ce projet de construction du bloc d'hébergement d'un centre de santé CEDES Migongo, se trouvant dans la commune Kibago, province de Makamba, montre que c'est la société Dayan Company, maître d'œuvre moyennant le Fonds national d'investissement communaux, FONIC en sigle, la population bénéficiaire de ce CEDES, grogne que 2 ans sont déjà écoulés, ce bloc étant encore en chantier, alors que le délai d'exécution était de 4 mois. Les travaux de sa construction se sont arrêtés au niveau de la toiture. Le centre de santé de Migongo n'a qu'un seul bâtiment avec 2 chambres à héberger les malades, y compris aussi la salle d'accouchement. À ce CEDES, les malades sont parfois hébergés de façon confuse à cause des chambres insuffisantes. Cette population demande que ce bloc d'hébergement en cours de construction soit achevé en leur faveur. Les informations recueillies au niveau de la commune Kibago indiquent qu'une lettre de réclamation des travaux inachevés a été adressée à cette société depuis l'année dernière et celle-ci avait promis de les achever avec le mois de novembre de cette même année, mais que la promesse n'est pas tenue jusqu'à présent. Les mêmes informations disent qu'il y a d'autres bâtiments en train d'être construits par cette même société dans cette commune, dont les bureaux zonaux, qui sont au point mort depuis Makamba. Élisée Cuisera, Radio Isanganiro. Et les élèves de l'école d'Alliance de Kayogoro en zone Mouga de la commune Provence Ngozi disent avoir des difficultés à trouver de l'eau et de l'électricité. Ces 600 élèves internes déplorent qu'ils vont puiser l'eau dans le marais loin de leur école et perdent par conséquent le temps d'étudier. Ils demandent aux âmes charitables de leur donner de l'eau et de l'électricité afin qu'ils puissent vaquer convenablement à leurs activités. Apollinaire Monsagara. Comme l'indiquent les encadreurs de cette école, 600 élèves qu'a l'école d'Alliance de Kayogoro sont issus des familles vulnérables des différentes provinces du Burundi, incapables de les scolariser. Ces enfants ont été alors acheminés à cette école construite par la Fondation Niongab. Ces élèves déplorent qu'ils n'ont pas d'eau et font 3 km chaque jour pour aller puiser l'eau dans le marais pour la cuisson, la lessive et même à boire. Cette école, à régime d'internat, n'a pas également de courant électrique de la régie des eaux. Les élèves et professeurs n'utilisent que peu d'électricité et des panneaux solaires. Ils déplorent aussi l'insuffisance de matelas qui fait que certains dorment sur les nattes. Ces éduqués demandent au gouvernement et à ses partenaires de leur venir en aide afin d'étudier dans de bonnes conditions. Le directeur provincial de l'éducation, Jean-Pierre Ndekudiayo, dit être au courant de ces problèmes et indique qu'ils attendent une certaine organisation qui a promis de l'eau à cette école. Suite à la vulnérabilité des familles et de ses enfants, ils ne rentrent qu'une fois l'année pendant les grandes vacances. Il y a même selon les encadrés de cette école, certains élèves qui n'ont pas où aller et qui sont acheminés au centre de la Fondation Niongabo à Bujumbura pour y passer les grandes vacances. Ces encadreurs confirment aussi que ces éduqués ont beaucoup de difficultés et demandent aussi la main des âmes charitables. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganib. Merci Apollinaire. Toujours dans les nouvelles des provinces, les prix de tickets de transport en commun ne sont pas respectés par certains chauffeurs dans la province Bururi, alors que le carburant de type essence est en train d'être servi depuis ce samedi à 8 stations. Ce mardi, il y en a qui faisaient payer 10 000 au lieu de 6 000 francs burundais officiellement fixés pour le trajet Bururi-Rumonge. Le gouverneur de cette province, le colonel Leonidas Sebandezamaso, les met en garde et appelle la population à dénoncer les auteurs de ces cas de spéculation. Zeno Zambimana. Certains des passagers rencontrés le matin de ce mardi au parking des véhicules assurant le transport en commun à Bururi nous ont indiqué qu'ils ont payé une somme de 10 000 francs burundais de tickets de transport de Rumonge à Bururi, d'autres 6 000 francs burundais fixés par le ministère et le commerce dans ces attributions. Ces prix n'étaient pas aussi respectés pour le trajet matin à Bururi. Certains des passagers confirment que les chauffeurs exigent une somme variante entre 6 000 et 10 000 francs burundais, alors que le prix de tickets de transport transport pour ce trajet ne devrait pas dépasser 5000 francs burundais fixés par le gouvernement, ce qui est à l'origine des grognes chez certains de leurs clients qui demandent que ces prix de tickets de transport soient respectés, surtout que le carburant de type essence est aujourd'hui servi aux différentes stations. Quant aux conducteurs de ces véhicules de type Plobox assurant le transport en commun, le prix de tickets de transport a déjà diminué, car ces derniers jours, avec la pénurie du carburant de Buruli à Rumonge, leurs clients étaient obligés de payer une somme de 15 000 francs burundais. Ils ajoutaient qu'ils ne peuvent pas diminuer ce prix de tickets de transport jusqu'à 6 000 francs burundais fixés par le gouvernement, puisque même les prix des pièces de rechange pour leurs véhicules ont sensiblement augmenté. Le gouverneur de la province de Buruli met en garde ceux qui se sont arrogés le droit de revoir à la hausse le prix de tickets de transport, alors que le carburant de type essence est servi depuis samedi dernier à 8 stations, dont 7 de la province de Buruli et une autre de Mahwa en commune Gansol de la province de Gitega sur la route nationale numéro 7. Ce lundi, au cours des cérémonies marquant le 31e anniversaire de la mort du président Cyprien Ntaryamira, colonel Dasman Nzamaso a dans son discours appelé la population de Buruli à dénoncer les conducteurs des véhicules qui se sont arrogés le droit de revoir à hausse le prix de tickets de transport pour qu'ils soient punis conformément à la loi. Depuis Buruli, Zenon Zamimana pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Et certaines personnes vivant avec handicap au Centre national d'appareillage et de rééducation de Gitega-Sénart et ayant contracté le MPOX saluent la contribution de l'UNICEF pour l'aide en matériel, dont des chaises roulantes qui leur ont été fournies. Une mère d'un enfant malade de la variole du singe était en surcroît des problèmes de mobilité, témoigne de la difficulté qu'elle éprouvait pour le porter. Elisabeth Ouimana, la directrice adjointe de ce centre, lance un appel à d'autres organisations pour qu'elles interviennent aussi en faveur des personnes vivant avec le handicap, car elles ne sont pas épargnées des épidémies. Lydie Gahimbare les a rencontrées pour nous. Reportage. Nous l'avons trouvé au Centre national d'appareillage et de rééducation Sénart de Gitega où son enfant est hospitalisé. Cela fait 2 ans que cet enfant ne peut ni entendre, ni parler, ni s'asseoir, ni voir suite à une période de 2 mois qu'il a passé dans le coma. C'est après cela qu'il a été attaqué par la variole du singe et un pog. Cette maman explique combien il était difficile pour elle de porter son enfant pour l'amener au centre de dépistage de Gitega. L'organisation internationale UNICEF a fourni un fauteuil roulant adapté pour faciliter son déplacement, ce dont elle est reconnaissante. Ouimana Elisabeth, directrice adjointe du Centre national d'appareillage et de rééducation, c'est non en sigle, indique que des cas de variole du singe ont été détectés parmi les personnes vivant avec handicap dans son centre. Elles ont été suivies par l'UNICEF, ajoute-t-elle. Nous avons apprécié à 100% vraiment de la façon dont l'UNICEF a pris soin aux enfants qui avaient été contaminés par cette maladie. Nous les avons amenés en haut à l'hôpital, là où l'UNICEF travaille. Et puis, ils ont pris en charge les enfants et il y avait une personne adulte. Et après avoir de prendre en charge, ils ont été guéris à 100%. Ce que nous remercions pour l'UNICEF, ils ont fait le suivi des patients jusqu'à ce qu'ils ont amené les kits qui peuvent les aider à être autonomes. Par exemple, pour la marche, ils ont amené les chaises roulantes, les béquilles, les cannes. Alors, cela nous a montré que l'UNICEF a pris un bon engagement pour ces enfants ou ces personnes qui ont été attaquées par la maladie de l'impox. Elle appelle d'autres organisations à se soucier également des personnes vivant avec handicap, car elles aussi sont exposées à des épidémies. Le docteur patient Ida Hunda, qui travaille pour l'organisation Safe Inclusion, a indiqué que son organisation a contribué pour les soins des personnes vivant avec handicap. Safe Inclusion, soutenu par l'UNICEF, on a donné aux enfants, même aux personnes et aux adultes. Les autorités de la province, y compris le gouverneur de Gitega, Vena Manilambona, appellent la population à continuer à se prévenir contre cette maladie car elle n'est pas encore éradiquée. Lydie Gahimbare. Radio Isanganiro, chronique santé. La charge virale du VIH-Sida est indétectable lorsque le taux de virus dans le sang chez une personne séropositive est très minime. Docteur Evelyne Maneriho, responsable de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida à l'Association nationale des séropositifs et sidéens, ANSS, indique que le premier test est effectué juste après 6 mois depuis que la personne a commencé le traitement rétroviral. Elle souligne que dans ce cas, la personne ne peut transmettre le virus une fois qu'elle continue à respecter les conseils donnés par les médecins. La chronique santé est signée Ornella Mucho. La charge virale du VIH-Sida et la quantité du virus présente dans le sang d'une personne séropositive. Dr Evrine Maneliho, responsable de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, indique alors que la charge virale devient indétectable par le test de mesure après 6 mois de traitement antirétroviral. C'est-à-dire que le résultat a montré que le taux du virus dans le sang est très minime. Pour mesurer le taux de charge virale, il faut d'abord que la personne prend le traitement dès le dépistage. On dépiste et puis on traite. C'est dépister, traiter. Et le but du traitement antirétroviral, c'est de rendre la charge virale indétectable le plus longtemps possible, diminuer le risque de transmettre l'infection, restaurer l'immunité, augmenter la durée de vie et améliorer la qualité de vie. Comme il prend bien le traitement, le taux du virus dans le sang doit être inférieur à 50 copies. La charge virale indétectable signifie que la personne qui est séropositive, qui prend bien le médicament, a une durée de vie augmentée. Ça augmente l'immunité. Ça veut dire que même les infections opportunistes, il ne peut pas les attraper facilement parce qu'il prend bien le traitement. Elle indique qu'il n'y a pas de risque de transmission lorsque la charge virale est indétectable. Premièrement, si une personne a une charge virale indétectable, il peut se marier avec une personne qui est séronégative. Dans ce cas, il ne peut pas transmettre le virus. C'est la charge virale indétectable égale intransmissible. Il ne peut pas transmettre le virus chez une personne qui est séronégative. En plus, même pour les femmes enceintes, il peut accoucher. S'il a une charge virale au troisième trimestre qui est indétectable, il peut accoucher. L'enfant ne peut pas avoir le virus après la naissance. Et on va faire le suivi de l'enfant et de la mère, tout en respectant l'algorithme pour le suivi des enfants. Pour rester avec cette charge virale indétectable, il faut prendre les médicaments tous les jours, sans interruption et à la même heure. Ceux qui prennent bien le traitement peuvent avoir une charge virale indétectable, mais ceux qui ne prennent pas très bien le traitement, qui ne respecte pas les heures de prise des traitements ou bien qui fait des arrêts dans la prise des traitements, il peut avoir une charge virale qui devient détectable parce qu'il ne prend pas les traitements convenablement. Docteur Evrine Maneliho indique que la prise en charge indétectable est contrôlée tous les 6 mois chez les jeunes âgés de moins de 19 ans et tous les 3 mois chez les femmes enceintes. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.